Bande dessinée. RTL Matin, laissez-vous tenter, 9h26. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire. Ah ouais, mais ça j'ai pas. Oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins. Des voisins? Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com. Besoin d'un service? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com? C'est très utile, un voisin. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le faux filet de bœuf charolais de 200 grammes à griller à 3,70€ chez Leclerc. Du 31 août au 2 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le faux filet de bœuf charolais 3 étoiles à griller de 200 grammes, origine France, à 3,70€, soit 18,50€ le kilo. Inutile de résister. Du faux filet comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, l'expression même de la citadine moderne. Avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style suréquipée est à partir de 149€ par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Il était une fois sergent-major. Un pays fantastique de vêtements pour enfants où des aventures magiques se vivent par tous les temps. Pour l'école, pirates en herbe ou princesses cousues d'or s'habillent de la tête aux pieds chez sergent-major. Des tenues tellement à croquer que toutes les mamans vont craquer. En ce moment, pour deux articles achetés, Sergent Major vous offre moins 25% sur votre préféré. Moins 25%, même sur l'article le plus cher. Et ça marche aussi pour les bébés. La rentrée, ça se fête. Sergent Major, des histoires plein la tête. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Résumons la situation. Pour gagner la bande dessinée RTL du mois, il fallait répondre à la question suivante. Kim Jong-il est-il le chef suprême de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud? Réponse de Monique Younes. Corée du Nord. Ben voilà. Et ça paraît aux éditions Delcourt Mirage. Et vous avez adoré cette bande dessinée. Mais vraiment, c'est une bande dessinée poignante que je vous recommande. Voilà. On se sera presque tout dit si je vous rappelle que demain, notre invité sera l'écrivain Laurent Godet. Son livre « Écoutez nos défaites » est paru aux éditions Actes Sud. Il est d'ores et déjà un très gros succès. Il vous sera recommandé, bien entendu, par notre camarade Bernard Lehu. Merci à toute l'équipe. Et maintenant, on va retrouver Julien Courbet. J'ai bu un coup avec Laurent Godet. Très sympa. Vraiment. Mais vous allez vous régaler. Mais là, je suis plutôt... moi, je ne savais pas. Oui. Notre président, vous avez vu la une de l'équipe? Non. Ben, le président d'RTL va jouer au foot à Nice. Ils ont engagé Mario Baldelli, apparemment. C'est Balotelli. Balotelli. Mais oui. Vous n'avez pas remarqué qu'ils n'avaient pas exactement le même physique tous les deux. Ils ont un physique de sportif tous les deux, mais oui. Je l'avais jamais vu jouer comme ça. D'accord. C'est ben excusez-moi. Autant pour moi. Il n'y a aucun problème. Je vous en prie, vous pouvez faire une petite erreur. C'est pas grave. Ben, ça peut arriver à tout le monde. Ben, on vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée, Julien. Allez, c'est parti, mes enfants. Du direct, encore du direct, rien que du direct. Réglez vos problèmes. Pas de blabla, pas de discours, pas de je pense quoi et toi tu penses quoi et moi je pense quoi et on avance à rien. On règle. Maître Fellono est là. Bonjour à tous. Négociateur Bernard Sabat. Bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard, on est au taquet. Dans quelques instants, une nouvelle fois, pour vous récompenser, pour vous remercier d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France, avec 1 400 000 auditeurs à chaque instant, plus du double de nos concurrents, un iPhone 6, est-ce à gagner? Mais auparavant, tout de suite, n'attendons pas, voici une belle histoire de vacances, comme je les aime, nous allons accueillir tout de suite Violetta, qui a quitté Disney quelques instants, pour venir nous raconter son histoire, car même les stars ont des problèmes en vacances. On est parti en vacances pour un séjour en Crète, ça nous a coûté 3 350 euros. L'hôtel devait être un 5 étoiles, mais il a dû les perdre le temps que l'on arrive sur place. Bonjour Violetta. Bonjour. Elle nous appelle Bonjour d'où Julien. Ça va Violetta, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle du nord de la France, Valenciennes. D'accord. Violetta, vous partez donc en Crète 15 jours avec votre mari. Et un site internet vous propose une offre intéressante, un hôtel avec combien d'étoiles ? 5 étoiles. Alors déjà, toute petite parenthèse pour commencer. Une nouvelle fois, Bernard Sabat, mettons en garde l'auditeur d'RTL qui dit 5 étoiles en France. Ce ne sont pas les mêmes normes forcément dans d'autres pays. Oui, et il va falloir que ça change parce qu'on est en Europe et logiquement, on devrait avoir une attribution des étoiles plus ou moins similaire. Et ça, c'est un premier problème. Alors d'ores et déjà, je vous annonce que sur Facebook, Marie a préparé un petit reportage. Car aujourd'hui, vous voyez, votre émission, le 9h30-11h, va plus loin. Il y a le son, mais vous avez l'image sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. Où vous allez voir le avant-après, ce qu'on lui a vendu sur la plaquette et ce qu'elle a vu à l'arrivée. Elle a fait un super montage. Allez le voir, vous comprendrez encore mieux le cas. On va essayer de mettre ça sur Twitter ensuite. Donc, 5 étoiles, vous arrivez. Il y a une plaquette qui est plutôt sympa. Et qu'est-ce que vous trouvez sur place ? C'est parti, faites-nous rêver. Alors, sur place, le premier jour, vu l'entrée de l'hôtel, des serviettes qui pendaient partout dans un 5 étoiles, bon, ça, oui. Tout ça, ça n'existe pas. Au balcon, hein. Au balcon. Les jardins pas entretenus, pas tondus, des ordures pas faites, si vous voulez. Les timbales de la veille débordées des poubelles. Ils nous ont offert, si vous voulez, un beuvrage, si vous voulez, quand on arrive pour nous désaltérer. Un breuvage ? Attendez, oui. Attendons-nous quelques instants. Vous n'avez pas entendu cette expression depuis le Moyen-Âge. Mesdames et messieurs, avant de passer à la réception, permettez-nous de vous offrir un breuvage. Une petite hydromel. Une servoise pour mon monsieur ou de l'hydromel. C'était quoi, un hôtel moyenâgeux? Et donc ce breuvage, oui. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Eh bien écoutez, il est resté là toute la journée en plein soleil. Ah. Donc, il a été mal digéré. Découverte en découverte, quoi. Dès qu'on a été dans la chambre, qu'on a traversé les jardins qui n'étaient pas entretenus. Bon, la chambre, elle était plus ou moins correcte, la chambre, mais un frigidaire vide, sans rien. Les douches, le pommeau était monté à l'envers et ça coulait dans la douche, dans la salle de bain. Combien vous a coûté la plaisanterie ? 3 350 euros. Oui, juste les toilettes, je vous ai coupé. Dites-moi, parce que je suis toujours intéressé par les toilettes. Les toilettes ont fui pendant 15 jours. C'était d'accord. Mouillé tout le temps. Bon, donc vous avez, je suppose, écrit, etc. Où en êtes-vous aujourd'hui de ce dossier avant qu'on lance les appels et toutes les négociations en direct dans le 9h30-11h ? Alors, ils nous ont proposé de nous rembourser 150 euros et que c'était pas discutable. Bon, c'était pas discutable. Ça, c'est ce qu'ils vous ont dit, Violetta. Nous allons donc intervenir. Tout d'abord, il va y avoir... Alors, je rappelle qu'il y a ce petit film de Marie sur le Facebook, ça peut vous arriver. Marie, d'ailleurs, merci. Vous avez décidé de vous faire passer pour une cliente pour essayer de comprendre un peu le contexte. Et vous avez appelé le site internet. Oui, car le site internet propose des ventes flash, Julien, qui ne durent que quelques jours. Donc, l'hôtel de notre auditrice n'est plus disponible actuellement à la vente. J'ai juste voulu vérifier que les photos correspondaient bien à l'offre contractuelle. Je regardais un peu les offres concernant la Crète et je voulais juste savoir, les hôtels 5 étoiles en Crète, c'est des vrais 5 étoiles ? Oui, c'est des 5 étoiles, mais en norme locale. D'accord, mais c'est quand même luxueux et propre. Oui, oui, oui. Ce que vous voyez en photo, c'est en conformité, d'accord ? D'accord, donc les photos, c'est vraiment, ça représente tout vraiment... Tout à fait, contractuel, absolument, madame. D'accord, et ça, c'est vérifié quand même par vos soins ? Oui, par nos experts. La Crète, normalement, ça devrait le faire ? Je ne vous cache pas, on ne reçoit pas de réclamation client dans ce sens. Il n'y a pas de réclamation client ? Ok, donc 5 étoiles en fait, ça vaut le coup. Ok. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, il y a Marie, peut-être des lunettes aux experts hein, quand on voit les photos. Et donc, la suite, c'est qu'on a appelé aussi directement l'hôtel pour voir ce que l'hôtel avait à nous dire. C'est en Crète, c'est en anglais. C'est simple, quand il dit yes, ça veut dire oui. Si vous ne parlez pas anglais, je vous promets, j'ai fait le maximum. Je pense que c'est compréhensible. Faudrait quand même pas exagérer non plus, Marie. Je veux bien qu'on mette en avant mes lacunes en anglais, mais de là me traduire yes, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin. On y va. You want to make a reservation? I just want to know if your hotel is really a five stars. Yes. Yes, it is, and all the convenience are okay. Yes. But it's a five-star restaurant. En fait, il dit yes à tout. Yes, it is. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que vous lui demandez. Est-ce que les chambres sont bien? Est-ce que la piscine est bien? The swimming pool, et la piscine. Yes, very good. Vous voyez, 5 étoiles, very, very good. Bon, on est dans du very good. Très bien. Alors, maintenant qu'on sait qu'il dit yes et qu'il y a du very good, la site internet n'ayant pas actuellement l'offre en ligne, vous avez téléphoné directement à l'hôtel. Ça, on vient de l'entendre. Et voilà. Pour donner un aperçu donc, à nos auditeurs, je le rappelle, il y a le film sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. Alors voilà, on est en train de le mettre en ligne, Julien. Un peu de suspense, on tease. Mais normalement, dans 5 minutes, vous retrouvez ça sur RTL.fr et sur la page Facebook de l'émission. C'était un peu compliqué, mais on a appelé le technicien qui fait ça. Qui nous... On dit, tu vas nous le mettre en ligne rapidement? Yes, yes. Et t'es sûr, parce que là, c'est loin. Yes, yes. Mais il est bien, le film. Very good. Ça, c'est la même personne qui répond à tous les problèmes, j'ai l'impression, aujourd'hui. Évidemment, on a un coup de gueule, on a un spécialiste voyage. C'est Bernard Sabat, un 5 étoiles, une plaquette, vous le verrez sur le film, Bernard. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Et on lance les appels en direct juste après. Non, ça commence mal, Julien, cette saison. Je vous le dis franchement, si on commence la saison avec des sites internet très connus, reconnus, très cotés et qui font ce travail-là, c'est inadmissible. Cette réservation a été faite le 26 mai, Julien. 26 mai, c'est pas une réservation de dernière minute. Et donc, automatiquement, c'est des produits qui sont contrôlés par la marque en question. Eh ben, ça n'a pas été fait. Et si ça a été fait, c'est plus grave. Donc, c'est pour ça qu'il faut les appeler et gueuler. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est dingo, c'est que l'on dit quand même, un expert a été jugé sur place, a vu que c'était un bon hôtel. On n'a aucune, on raconte n'importe Je quoi. Je ne le crois pas. C'est bon, un réceptif qui a dû choisir cet hôtel pour donner un bon prix. Et évidemment, quand on donne des bons prix, parfois, c'est souvent gage de c'est pas très bon, tout simplement. Le 9h30, 11h, va maintenant lancer les appels téléphoniques en direct. Que va-t-on nous répondre? Vous allez tout suivre, rien ne vous sera caché, car c'est la transparence totale. C'est le principe de votre émission. Retour de vacances, voyage galère, photo galère, envoyez vite tout ça au 3210 ou sur Facebook, ça peut vous arriver. Appel en direct sur RTL, la première radio de France, dans une seconde. Avec Télé 7 jours, The Beatles. Retrouvez, réunis pour la première fois dans une collection inédite, tous leurs albums originaux, entièrement remasterisés, dans une superbe édition de luxe. The Beatles, la collection événement. Cette semaine, le CD numéro 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 9,90€ seulement avec Télé 7 jours. À la rentrée avec Carré Blanc, osez la couleur. Pour les petits et les grands, parure de lit, serviettes colorées, peignoirs, couettes douillettes et oreillers, rééquipez votre intérieur à prix tout doux avec Carré Blanc. Osez la couleur. Profitez de la qualité Carré Blanc jusqu'à moins 30%. Conditions de l'offre en magasin valable jusqu'au 20 septembre. Liste des boutiques sur carréblanc.com. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Nous allons lancer l'appel en direct. Il nous tarde de savoir ce qui va se passer. Alors, on va tout d'abord donner la parole à Maître Fellonneau, son analyse. Que peut-on réclamer? Vous allez aussi nous dire, Bernard, aujourd'hui, ce qu'elle peut souhaiter, cette dame. Alors, ce que l'on peut réclamer, d'après la jurisprudence, c'est entre 20, 25, peut-être 30. C'est le challenge, peut-être, que je vais donner à vous, Julien, et à Bernard. C'est par d'indemnisation. Attention, pas sur l'intégralité du voyage. On enlève le billet d'avion, puisque ça, la prestation était fournie. Simplement sur la prestation hôtelière. Et je rappelle à tous, et c'est pour ça que je suis exaspérée par ces coups de fil qu'on a entendus, qui sont des mensonges, les photos ne sont jamais contractuelles. Donc effectivement, il y a de quoi être berné quand on voit la splendeur des photos. Il y a une loi à faire passer quand même. Là, je m'adresse au pouvoir, puisqu'on est là aussi pour être des agitateurs d'idées. On ne peut plus maintenant laisser des photos avec une petite astérix qui dit « photos non contractuelles ». C'est n'importe quoi. J'achète un hôtel, qu'on me montre les vraies photos de l'hôtel, parce qu'il peut vous mettre n'importe quelle photo. Il suffit de mettre un petit... tout en tout petit, les photos ne sont pas contractuelles. Enfin, là, on a entendu qu'elle l'était. Oui, oui. Donc, c'est encore Si ça se trouve, elle dit au téléphone, mais si ça se trouve sur la plaquette, il est marqué « photos non contractuel. L'appel est lancé, mais juste avant, rappelle quand même qu'il y a un iPhone 6S à gagner à partir de maintenant. Pour le gagner, c'est simple. Vous faites le 3210 touche numéro 2. Ça vous permet d'arriver sur le standard jeu. Et ensuite, bon, il y a une petite question. Selon la légende qui a tiré dans une pomme posée sur la tête de son fils, est-ce que c'est 1 Diane Tell ou est-ce que c'est 2 Guillaume Tell? Moi, je serai vous. Je ferai 3210 touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, puis je rajouterai 2 pour ne pas passer pour un couillon. Ou bien SM RTL au 74 900, un iPhone 6S plus d'une valeur de 860€. S'il vous plaît, lancez-moi le premier appel maintenant. Alors, nous allons appeler tout de suite Bernard, si vous le voulez bien. Le siège, oui. Directement le siège. C'est une grande agence en ligne. Julien ? Oui ? excusez-moi aussi, je voudrais préciser bonjour, aussi qu'au niveau des buffets et tout ça, j'ai attrapé une gastro, mon mari c'était un peu limite. J'ai cru que vous alliez me chanter, j'ai attrapé un coup de soleil, mais là ça change un peu les photos. J'ai attrapé une gastro, un coup de soleil, il fait très chaud quand je m'en vais dans les toilettes. Je gueule à mort, c'est super bête. Enfin bon, à voir si notre ami Richard Cochianté veut rechanter cette chanson. J'ai attrapé une gastro. Mais Violetta, je comprends votre colère. Bonjour, Patricia, je m'appelle Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Patricia, je me permets de vous appeler car nous traitons un dossier ce matin d'une dame qui a eu une sacrée mésaventure en allant en Crète suite à un séjour. Elle est passée par vous, bien évidemment, je peux vous donner un numéro de dossier et aujourd'hui elle voudrait une indemnisation parce que son voyage ne correspondait pas à la plaquette et aux 5 étoiles qu'on lui avait vendues. On a un film à vous montrer si vous voulez, sur le net, etc. Alors peut-être que vous n'êtes pas habilité, vous, à traiter ce dossier, oui. Je vous donne quelqu'un. Effectivement, hein, je vous fais patienter juste un petit instant, je vois qu'un de mes responsables. Hein, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Bernard, vous récupérez, oui, ce sont des gens sérieux, il faut le dire, oui. On aura, merci, là ils sont passés au travers, mais c'est aussi les gens sérieux, on est sérieux aussi quand on sait régler les problèmes, donc là on va passer toute la hiérarchie, mais il va falloir remonter à la direction pour obtenir quelque chose. Violetta, vous avez été malade et votre mari aussi? Mon mari, c'était limite, quoi, parce que si vous voulez, il n'y avait pas de clim dans la salle où il y avait tous les buffets. Et vu les pannes d'électricité qu'il y avait eu, on s'est posé des questions quand même. Hein. Donc, les fruits étaient chauds, c'était pas convenable du tout. Si vous avez vous-même vécu... Pardonnez-moi, je vous écoute, Violetta. Quand il y a un petit blanc, vous savez, c'est un réflexe de radio, on enchaîne, vous aviez autre chose à dire? Que c'était dégueulasse. Ah, voilà. J'aurais eu tort de vous couper, parce que là, je crois que c'est une belle conclusion, au moins c'est clair. Alors, on va aller même plus loin. Pour vous, ce voyage était un voyage idyllique. Allô ? Mais, oui. De merde. Quelle est la réponse ? Merde. Voilà, mais c'est clair. Ici, quand je vous dis qu'on n'y a pas de blabla, contrairement à d'autres radios où ça parle, et on ne sait pas. Ici, on est cash, on dit les choses telles qu'elles sont. Alerte, Julien, c'est Christelle de Voyage Privé. Bonjour, Christelle de nouveau, ou c'est une nouvelle? Non, c'est une nouvelle. Christelle, bonjour, je suis Julien Courbet, je suis ravi de vous parler. Et je le disais il y a quelques instants, vous êtes une agence en ligne très réputée, et il y a eu un petit raté, comme ça peut arriver, comme dans toutes les agences, et nous-mêmes ici à la radio, des fois on se trompe. Maintenant, cette dame, elle voudrait essayer d'avancer, donc est-ce que je peux, hors antenne, vous donner des références avec Bernard Sabat? Comme ça, vous pouvez consulter le dossier, puis on se reparle dans quelques minutes. Oui, alors ce ne sera pas avec moi, il faut que je passe par ma direction commerciale, puisque là, je ne pourrais pas être habilitée. Moi, je ne sais pas, j'ai eu une première personne qui m'a dit « je vous passe la personne habilitée », mais si vous n'êtes pas la personne habilitée... En fait, vous êtes sur un plateau téléphonique, et moi, je suis juste la superviseur du plateau. Donc, c'est pas la direction, là, c'est autre chose. Ah. Mais dans ce cas-là, je vais donner les informations qui vous voulez, à la direction. De manière à ce qu'elle soit habilitée. Vous pouvez ça? Moi, ce qu'il me faudrait, c'est des coordonnées pour qu'eux vous rappellent, parce que moi, ils sont pas là avec moi. Ok, Bernard, je vous le passe. Vous voyez? Sans problème. Alors, vas-y, récupérez cette dame, très gentille d'ailleurs, et on se retrouve comme hier dans la situation « Je frappe au numéro 1 », puisque nous avons quand même appelé le siège, qui nous a dit « Je vous passe quelqu'un », qui nous a dit « Non, c'est pas moi, je vous passe un autre ».« Je frappe au numéro 1 », je demande voyage privé, l'hôtesse me répond, je suis pas habilité, je vais vous passer quelqu'un qui va vous répondre, attendez quelques instants, il va vous parler, régler votre problème, car je peux pas le faire, je ne connais pas ce genre de problème, allez voir à côté. Et j'ai la deuxième personne qui me dit qu'elle peut rien faire, là, enfin bref, je vous assure, ce truc, on va le remettre à la mode. On va le remettre à la mode. Nous aurons le président peut-être dans quelques instants, mais là, nous tenons à faire les mêmes numéros que vous. Violetta, on va tout faire pour vous aider. On est sur le coup. Permettez-moi de rappeler aux auditeurs que là, c'est vraiment la grande quinzaine où vous revenez de vacances. Ça s'est mal passé. C'est maintenant que ça joue, les indemnisations. Donc, précipitez-vous au 30 de 10. Précipitez-vous, c'est encore mieux sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver en nous envoyant vos photos parce que c'est ce qui nous permet de mieux appréhender le problème. Donc, j'attends vraiment, vraiment vos appels et vos Facebook sur ces voyages ratés. C'est la fessée. Voyage foutu. Papa Kiki. Évidemment, nous aurons un deuxième cas qui va démarrer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Voilà ce que va nous dire Emilien.

l'émission la plus écoutée de France. Avec Émilien qui est en ligne avec nous. Émilien, bonjour. Oui, bonjour. Ça s'est passé hier sur RTL, Émilien. Vous nous racontez que vous avez rejoint votre mère lors d'une escale et vous deviez faire la deuxième partie du voyage avec elle. Le chien est parti, lui, avec votre mère. Et à cette escale, quand vous arrivez, vous dites « je veux voir le chien ». Là, on vous dit « non, non, vous en occupez pas. Montez dans l'avion qui repart. On s'en occupe pour le transférer du premier avion au deuxième avion. Tout va bien. À l'arrivée, pas de chien. Si, il y a juste une annonce. Pardon, avant de partir, il y a une annonce qui vous dit « venez vous présenter d'urgence au guichet, vous y allez, là on vous dit votre chien est mort ». Donc vous êtes évidemment catastrophé, vous essayez d'en savoir plus, et en fait vous n'avez rien. On vous dit juste il est mort, c'est comme ça. Donc vous avez lancé plusieurs recherches, et tout ce que vous avez pu apprendre dans un premier temps, qu'est-ce qu'on lui avait dit au tout début ? Tout simplement qu'il avait été victime d'une asphyxie, et qu'effectivement les autorités sanitaires avaient fait le nécessaire, incinération, enterrement, et c'est tout en fait, il ne se passait plus rien à partir de là. Alors lui veut savoir si c'est vrai, il demande des documents aux officiels, on a appelé la compagnie. Comme ça ne répondait pas, Bernard Sabat a improvisé tout de suite pour vous un duplex. Bernard, c'était aujourd'hui le rendez-vous avec la compagnie. Exactement, Julien. Et on a reçu hier soir à minuit, par texto, pour Emilien et pour nous, donc, et pour les auditeurs, donc de Royal Air Maroc, une lettre que je vais vous résumer. Je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est relativement longue. Le décès du chien a été constaté par les autorités aéroportuaires et sanitaires compétentes en la matière le lundi 8 août. On l'a donc incinéré. Nous le regrettons, mais nous confirmons que notre compagnie est tenue à l'observation des règles strictes dans de tels cas. Nous vous adressons la copie du certificat constatant le décès et autorisant l'incinération contresignée par les autorités compétentes. Bien que cela ne remplace pas le compagnon que vous avez perdu, notre compagnie se tient à votre disposition pour envisager la réparation de votre préjudice moral ou vous aider dans le processus d'adoption d'un autre chien. Vous, de votre côté, Sarah, donc vous avez essayé de continuer l'enquête ? C'est bien ça, parce que nous avons reçu un PV d'incinération. Certes, c'est une bonne chose, c'est officiel, c'est super, mais c'est pas vraiment ce qu'on demandait. On veut savoir pourquoi ce chien est mort par asphyxie. Est-ce qu'il était sous une couverture ? Est-ce qu'il était à un endroit où il n'y avait pas assez d'air ? Est-ce que c'est vraiment, malheureusement, un fait qui... Une faute. Une faute, malheureusement. Alors, je me suis permise d'appeler l'ANSA, qui est l'Office National de Sécurité Sanitaire du Maroc, à Casablanca précisément. Alors, j'ai eu le chargé de communication qui était un petit peu surpris d'entendre parler de cette affaire en me disant, mais si ça fait autant de bruit chez vous, ça aurait dû... Juste parenthèse, oui. Ça fait autant de bruit parce qu'on en a parlé, parce que d'autres médias vont en parler, c'est tant mieux, et puis parce qu'il y a une pétition qui n'aurait pas monté. On est à combien de... Je ne sais plus, 80 000, hein. 80 000, quelque chose comme ça. C'est bien ça, bon. 80 000. Alors, ils vont enquêter, j'ai envoyé tout le nécessaire. L'enquête est ouverte depuis ce matin, voilà. Julien. Encore une fois, ce monsieur veut savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas simplement accepter qu'on vous dise le chien est mort asphyxié. Il y a eu un problème, donc il y a peut-être eu une faute. C'est déjà arrivé, on l'a dit, on a retrouvé une personne qui elle avait fait voyager son chien dans un bateau et malheureusement, ils ont posé des couvertures ou des caisses sur la cage, ils ne s'en sont pas aperçus et le toutou n'avait plus d'air. Nathalie. Bon, alors ce document, c'est un procès-verbal d'incinération. Ça, c'est un document officiel puisqu'il est revêtu du cachet du vétérinaire de l'aéroport, du chef d'escale, de la gendarmerie, de la douane. Bref, ça a l'air tout à fait officiel. Et il marque bien que ce chien est mort d'asphyxie. Alors, moi, je ne sais pas comment on peut mourir d'asphyxie quand dans un avion. Mais Émilien, lui, a effectivement deux explications qu'il a trouvées sur net. Et moi, il faudra qu'il le fasse confirmer par un vétérinaire. On va lui demander. Quelles sont les deux explications rapidement, Émilien ? En fait, il y a les deux explications possibles. C'est soit il y a un système de ventilation défaillant dans l'avion, ce qui fait que le chien n'a pas suffisamment d'air. Dans la soute. Ou soit le commandant de bord n'a pas été informé de la présence d'un animal à bord et donc n'a pas activé le système de ventilation pour le transport de l'animal. Eh oui, parce que s'il n'y en a pas, ils ne le mettent pas en route parce que ça doit consommer de l'énergie, je suppose. Et s'il y en aurait, ils ne le savaient pas, ouais. Voilà, donc là, la négligence de la compagnie serait avérée. Et à ce moment-là, Émilien réfléchira s'il veut un dédommagement ou pas. Parce que pour l'instant, il n'est pas dans cette démarche-là du tout. Donc maintenant, il a la garantie que son chien est mort, effectivement, qu'il a été incinéré et à moins de remettre en cause la véracité de ses signatures et de ses cachets. Mais bon, ça me semble difficile. Maintenant, c'est l'explication, effectivement. C'est asphyxie. OK, maintenant expliquez-moi comment. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est... Oui, je vous écoute, Émilien. J'avais juste une petite question. Est-ce que le numéro de puce, par exemple, ou le numéro d'identification du chien doit figurer sur un certificat d'incinération ? Alors, sur un PV d'incinération ? Alors oui, normalement, Émilien, oui, je le confirme. Et c'est pour ça que l'enquête ne va pas s'arrêter. Et on va continuer avec l'ANSA. On doit savoir les causes, normalement, tout simplement. Normalement, s'il a une puce, ils doivent le... L'ident- nous a passé l'appareil et le chien ayant la puce, etc., a été incinéré ce jour. C'est bien ça. Faut faire attention à ce papier. Je ne veux pas remettre en cause, loin de moi l'idée de remettre en cause la véracité de ce papier, mais c'est aussi facile de taper une lettre en lui disant tout s'est bien passé, etc. Il faut aller plus loin. Donc on va aller plus loin. Sarah ne lâche pas. On a ces autorités sanitaires là-bas qui sont autant de s'occuper de ça. Et derrière, s'il le faut, s'il n'y a rien d'autre, eh bien, il faudra lancer une procédure contre eux. Mais on n'en est pas là. Et moi, j'apprends qu'il y a un incinérateur dans l'aéroport de Gaza, puisque ce serait ça. Le chien a été incinéré sur le site de l'aéroport. C'est pour ça qu'on aurait pu le faire venir en lui disant « Voilà, monsieur, voilà ce qui se passe, voilà votre chien, malheureusement, on va l'incinérer. » Là, il ne l'a pas fait. Tout ça s'est fait dans son dos. C'est ce que je leur expliquais, justement. Alors, c'est des informations, vraiment, tout ça, il va falloir les confirmer. Et c'est pour cela que je vous donnerai des nouvelles les jours à suivre. On ne lâche rien dans cette émission, vous le savez, Emilien. On va vous donner des nouvelles d'ici quelques jours, d'accord ? Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, Emilien. Toujours du voyage. Au revoir, Emilien. Bon courage. Encore du voyage, toujours du voyage. Donc, on a toujours, je le rappelle, le premier gros dossier qui est en attente avec cette dame qui a acheté un 5 étoiles pour son... la vidéo est en ligne, me dit-on, sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. Allez la voir. Son avant-après. Le catalogue à 5 étoiles et l'arrivée. Donc, on attend toujours que l'agence nous rappelle. Et puis, on va lancer dans une seconde. Nous allons partir à Phnom Penh. À Phnom Penh avec Benjamin qui va nous dire ceci. Cela fait près d'un an qu'une compagnie aérienne doit nous rembourser plus de 4000 euros. Le vol que l'on avait payé a été annulé et la ligne ayant été fermée. Nous sommes une association humanitaire et on a besoin de cet argent. Elle est quand même incroyable, l'histoire. Il réserve 40 billets. Il est là, d'ailleurs. Benjamin, m'entendez-vous ? Oui, bonjour. Bon, déjà, Benjamin, votre association. Bonjour, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Genève. Et c'était un voyage humanitaire. C'est ça, exactement. Je suis trésorier de l'association humanitaire et on organise un voyage, deux voyages tous les ans. On emmène des jeunes sur chantier humanitaire. Très bien. 40 billets avec un acompte. Un acompte de combien ? Un acompte en tout de 4272 euros. Donc la compagnie prend 4000 euros, Bernard Sabat. Ouais. Et tout d'un coup, il y en a un qui se lève le matin et qui dit « On va fermer la ligne !» Ah bon ? Et pour le remboursement ? J'ai dit on va fermer la ligne, j'ai pas dit qu'on remboursait. Bref, la ligne n'existe plus. Est-ce que là, ça serait quand même très simple de dire on va s'excuser, au moins rendre l'argent. Et en plus, il pourrait même y avoir un dédommagement. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On vous dit, on a fermé la ligne, mais vous pouvez partir depuis Londres. Ah bah oui. Alors il faut se taper d'aller à Londres, il faut payer les taxes à l'aéroport de Londres, 530 euros, c'est ça ? C'est plus cher par personne. Que la... c'est une honte. Alors du coup, effectivement, Emilien, il a dit, mais non, c'est pas possible, moi je demande le remboursement. Bah évidemment. On va partir autrement. Il y aura un coup de gueule dans quelques instants, c'est inadmissible ce genre de procédé. C'est prendre encore des clients en otage, ça veut dire on réserve à l'avance, on paye un acompte, et on ne le rend pas alors qu'ils avaient la possibilité, comme l'a dit Maître Felonneau, d'annuler. Faisons une métaphore. Une métaphore du restaurant. Vous entrez au restaurant, le poulet est à 15 euros, donnez-moi du poulet, c'est ce que je veux, c'est mon budget. Et là, la personne vient, il n'y a pas de poulet, je vous oblige donc à prendre, si vous voulez manger, du bœuf qui n'est pas à 15 mais à 25 euros, et c'est vous qui allez payer la différence, etc. Cette comparaison, je le reconnais, est débile, mais j'avais envie de la faire. Mais ceci étant dit, c'est un peu ça. On est d'accord aussi. Alors, ouais, dans quelques... Pardon ? Dans l'idée, c'est ça. Ouais. Ah, merci ! Ah ben vous, je vous aime, vous. Ah ben vous, je vais me déchaîner pour régler votre problème, parce qu'ici, ils n'ont pas aimé ma comparaison. Vous auriez vu la gueule qu'ils faisaient. Nous allons appeler dans une seconde pour savoir où sont passés ces 4000 euros. A tout de suite dans le 9h30, 11h RTL. Téléstar vous présente Les grandes et petites histoires de Paris, une sublime collection en collaboration avec Stéphane Bern. Des livres et de magnifiques photos pour tout savoir sur la Ville Lumière. Découvrez Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Ses places, ses ponts, ses églises, ses monuments. Le volume 1, Paris et ses palais, est au prix exceptionnel de 90 centimes en plus de votre Téléstar. Et ton grand, il fait quoi maintenant ? Le lycée ! C'est du sérieux ! On ne les voit pas grandir ! Tu l'as bien assuré ? C'est un vrai changement de vie ! Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux ! Et c'est moins cher la première année au lycée ! Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Vous avez choisi la première émission de France sur la première radio de France. N'oubliez pas l'iPhone à gagner. Nous nous retrouvons dans quelques instants, juste après les infos. RTL, il est 10h. L'info sur RTL, c'est avec vous Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Passation de pouvoir il y a quelques minutes à Bercy, le ministère de l'économie. Emmanuel Macron a laissé sa place à Michel Sapin qui était déjà ministre du Travail. Les deux hommes ont prononcé chacun un petit discours. Vous êtes sur place pour RTL, Marie-Bénédicte Allaire. Alors chacun son cap, Emmanuel Macron explique qu'il prend la mer. Effectivement, Emmanuel Macron était fidèle à son choix et a multiplié les références littéraires et les métaphores pour expliquer son choix. Le choix et les circonstances imposent de prendre des risques, de prendre la mer et de le faire sur une frêle embarcation, a-t-il dit. Ému, il n'oublie de remercier personne, de Michel Sapin à son cabinet, en passant par tout le personnel du ministère des Finances. Il se dit heureux que le paquebot Bercy retrouve son unité avec un seul capitaine à sa tête. Michel Sapin lui assure qu'il va regretter ce jeune cadet dont il salue la fougue, mais il n'omet pas de lui prodiguer tout de même un conseil en forme d'avertissement. J'ai le sentiment qu'on continuera à entendre parler de toi. J'ai la conviction que ce sera pour l'intérêt général, l'intérêt du camp du progrès et de la gauche, souligne-t-il. À Michel Sapin qui souhaite bonne chance à Emmanuel Macron en insistant. Bonne chance pour toi et bonne chance pour nous tous. Marie-Bénédicte Allaire à Bercy pour RTL. À l'Élysée, François Hollande s'apprête à présider le premier conseil des ministres sans Emmanuel Macron. Alors après les anciens ministres Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Cécile Duflot, Emmanuel Macron se profile à son tour comme un nouveau concurrent potentiel pour le président sortant en 2017. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% au mois d'août par rapport à juillet et sur un an, l'inflation est de 0,2%. La hausse des prix en août s'explique principalement par la fin des soldes et la demande forte en services liés au tourisme. Aujourd'hui, c'est la pré-rentrée scolaire. Quelques 800 000 enseignants reprennent le chemin de l'école avant les élèves. Sur RTL, ce matin, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a prévenu qu'il n'y aurait pas de moratoire sur la réforme controversée du collège. Cette réforme entre bien en vigueur à cette rentrée, même si le syndicat d'enseignants SNES-FSU appelle à la grève dès le 8 septembre. L'arrêté municipal anti-Burkini de Fréjus dans le Var a été invalidé à son tour par la justice. Décision du tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté que le maire Front National de Fréjus avait maintenu malgré une décision du Conseil d'État. La justice estime que cet arrêté est attentatoire aux libertés. À l'US Open de tennis, qualification des Français Gilles Simon, Jérémy Chardy, Paul-Henri Mathieu et Nicolas Mahut pour le deuxième tour, ainsi que des Françaises Kristina Mladenovic et Caroline Garcia. On apprend à l'instant la mort du photographe Marc Riboud. Il avait 93 ans, c'est sa famille qui fait part de cette information. Marc Riboud, un photographe français de renom, de très grand renom, connu pour ses reportages notamment en Chine et en Asie. La bourse de Paris a démarré en léger repli ce matin de 0,14% et alors qu'il est la tendance est à la stabilité, le CAC 40 tourne autour de 4454 points. La météo du jour, du soleil en général, mais comme hier, il y a un risque d'orage dans le sud-est. Les températures sont estivales, on attend cet après-midi par exemple 21 degrés à Cherbourg, 23 à Brest, 27 à Lille et Besançon, 28 à Paris comme à Nice, 30 à Bordeaux et Marseille et jusqu'à 32 à Montélimar. Les courses à Deauville, les pronostics de Bernard Glace pour le quintet de cet après-midi, il vous conseille de jouer le 17, le 3, l'As, le 4, le 6, le 11, le 13. Et le 5, la dernière minute de Bernard, c'est le 13, sans peur. Il est 10h04 et vous êtes sur RTL avec Julien Courbet, bien sûr. Merci beaucoup et d'autres infos, bien sûr, tout à l'heure, à partir de 11h. C'est reparti pour le direct. L'émission qui ne fait pas de blabla, qui règle vos problèmes et le tout dans la bonne humeur, mais qui se bat pour obtenir des résolutions. Maître Fellono est avec nous, Bernard Sabat est le négociateur, toutes les équipes sont là. Un léger.info va démarrer maintenant pour voir ce qui s'est passé dans la deuxième, dans la première demi-heure. Nous attaquons la deuxième. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons démarré avec un beau cas, un cas voyage. Je vous invite à nous appeler maintenant. Votre voyage a été raté, on vous a vendu une plaquette et au bout du compte, ce n'était pas du tout ça à l'arrivée. Bref, ça s'est mal passé. Il peut y avoir des excursions, etc. Tout ce que vous voulez, camping, location d'appartement. Vous avez aussi ces échanges d'appartements qui se passent très mal. N'hésitez pas. Violetta, c'était ça. On est parti en vacances pour un séjour en Crète. Ça nous a coûté 3 350 euros. L'hôtel devait être un 5 étoiles, mais il a dû les perdre le temps que l'on arrive sur place. On vous a fait un petit montage images vidéo, parce que c'est toujours un peu compliqué parfois à la radio de bien comprendre. Donc vous allez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Je l'ai mis aussi sur mon Twitter, Courbet-Julien, où vous avez un petit résumé fait par Marie de la situation. Nous avons appelé Voyage Privé, nous avons eu le siège, on nous a envoyé chez quelqu'un qui nous a renvoyé chez quelqu'un. Où en est-on, Bernard Sabat ? On a un rendez-vous logiquement à 10h15 avec le service après-vente, mais en regardant le dossier, sachez quand même que Voyage Privé a fait une proposition, donc à notre auditrice, en l'occurrence de lui rembourser 150 euros ou en avoir ou sur sa carte bancaire. C'est un remboursement qui est inacceptable. C'est le minimum, c'est entre 300 et 600 euros qu'elle doit obtenir. Si vous dites entre 300 et 600, ils vont lui donner 300. Hein. Ne jamais dire logiquement, ça. Logiquement, c'est 20%. On a dit entre 20 et 30%. Si on fait le calcul, Julien, c'est pas mal cette proportion-là. Mais logiquement, si on veut conserver le client, donnez 600. Bien sûr. Nous avons eu le cas du chien donc, qui a disparu. Nous savons que l'enquête continue avec Sarah grâce aux autorités sanitaires locales. Et nous venons de lancer, il y a quelques instants, le cas d'Emilien. Écoutons ce que nous a dit. C'est pas du tout Emilien. C'est le cas, oui, effectivement, de Benjamin. Cela fait près d'un an qu'une compagnie aérienne doit nous rembourser plus de 4000 euros. Le vol que l'on avait payé a été annulé et la ligne ayant été fermée. Nous sommes une association humanitaire et on a besoin de cet argent. C'est au moins le troisième cas, Bernard, que l'on a. On a eu ça au mois de juin, au mois de mai. Ils ferment les lignes. Et au lieu de vous dire, écoutez, on est désolé, on a fermé la ligne, voulez-vous le remboursement intégral, voire même un petit dédommagement, parce que vous, vous êtes complètement organisé, lui, il en a amené 40 avec lui pour un voyage humanitaire, on dit, attendez, on a fermé la ligne, mais on a une solution, vous allez partir à Londres, plutôt que de partir, admettons, de Paris, alors évidemment, c'est à vos frais, le Paris-Londres, et puis la taxe d'aéroport de Londres, elle est aussi à vos frais, ça vous coûte plus cher, c'est pas un coup de gueule, mince. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Je vous le disais juste avant les informations, Julien, c'est vraiment se foutre de la clientèle, c'est mal gérer le problème, prendre en otage des clients en leur disant vous allez payer un supplément avec des taxes d'aéroport invraisemblables, c'est pas normal. On doit proposer aux clients un Paris-Amsterdam-Kuala Lumpur, un Paris-Londres, et on prend en charge ce Paris-Londres parce qu'on veut garder les clients. Là, on fait n'importe quoi. Bien sûr. Je peux comprendre qu'on leur dise il y aura une escale en plus parce qu'on a arrêté cette ligne, mais on va faire au mieux. Exactement. Ou alors on va payer tout ce qui est en plus. Exactement. Alors, ils ne l'ont pas fait et c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement, Benjamin ? Ils ne disent pas grand-chose en fait. Hein, parce qu'en fait, le bureau qui était en France de la Malaisie a été fermé. Donc, c'est déjà difficile d'avoir un correspondant en français. Ils nous renvoient sur différentes boîtes mail. Donc, il faut envoyer des mails à droite, des mails à gauche, en anglais et en français. Et à chaque fois, les retours de mails qu'on a, c'est des retours de mails automatiques, en fait. Est-ce que c'est un vol sec ? Ce sont 40 vols secs que vous avez achetés ? Il n'y avait aucun forfait, vous n'êtes pas passé par une agence ? Non, je ne suis pas passé par une agence, je suis passé directement par la compagnie. Alors là, petit conseil, une petite règle d'or hein, que l'on vous a répété, que l'on va vous re-répéter maintenant, parce que ça peut tout changer à l'arrivée. La règle d'or sur RTL. S'il avait pris dans une agence les 40 billets en disant... deux chambres d'hôtel, même pour 40, une seule chambre d'hôtel, et mettez-moi une petite location, un truc en plus dont on ne va pas se servir, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Oui, Julien, on serait dans le voyage à forfait, et là, évidemment, le remboursement aurait été immédiat. Par contre, et ça c'est important, c'est que dans ce cas de figure, même si on passe par une agence de voyage, ce sont des billets d'avion, logiquement, qui sont entre le voyageur et la compagnie, évidemment, pour des acomptes avec un vol annulé, l'agence de voyage va faire pression sur la compagnie et va intégralement rembourser l'acompte. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important. Donc ça vaut le coup de perdre 100 ou 200 euros pour une location. Même pas, Julien, 50 euros, vous prenez un bouge, un hôtel, comme ceux où va Bernard Sabat quand il part en vacances. Vous prenez une location d'une demi-journée de voiture et ça suffit, ça devient un forfait. À partir de c'est un forfait, c'est l'agence qui va vous rembourser. Allez, on va bien. On va lancer les appels. On appelle donc la compagnie. Alors, on va appeler où ? C'est un centre d'appel international ? Alors, moi, je pense qu'on va pas commencer par cela, si vous voulez bien, Julien. Dites-moi. On va appeler carrément le bureau le plus proche, qui est Londres, parce que logiquement, il y a quelqu'un qui pourrait parler français, je le dis bien, en conditionnel. De toute façon, on a Marie. Marie, prenez le micro. Marie, vous allez donc... j'espère que vous allez tomber sur quelqu'un qui dit yes. Yes, et very sure. Very good. Comme very tout good. À l'heure, on va voir. Je vais tenter, je vais faire une petite amorce. J'aimerais que Maître Fellono, quand même, participe un petit peu à l'effort et parle un peu anglais. Parce yes. que... pour donner du conseil en français, elle est là, la baronne, mais quand il s'agit après de parler anglais, donc c'est vous qui allez démarrer. Yes. Mesdames et messieurs, revenu d'une grande tournée triomphale, Maître Fellono revient en France pour son nouveau spectacle « Je négocie en anglais ». Kindly note that this call may be recorded for training and monitoring purposes. For enriched members, please press 1 to enter your membership number. Non, elle veut dire qu'elle ne peut pas me parler. Elle ne parle pas à 0, 4, please enter your 9-digit enriched membership number. Elle veut du shit. Non, mais ça, c'est interdit pas. Chez nous, on n'en a pas. Hein. Moi, je touche pas à ça. Hein. Allô ? Allô ? Allô, oui, je comprends que ça soit compliqué de se faire rembourser, parce que déjà, on ne comprend rien. Au message, Marie, là, vous avez saisi quelque chose ? Ah, attention. Ah, il faut... Ça, j'ai compris. For flight bookings, please press 1. For internet booking and check-in related inquiries, please press 2. For enrichment options and please press 1 for internet and MH mobile booking related inquiries. 2 for web check-in. You call me on the Rico. Est-ce qu'elle comprend, la dame ? Parce que là, c'est long, l'histoire. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Attention, Maître Felono, concentrez-vous. Non, non, non. Moi, je parle pas. Moi, je parle qu'espagnol. Welcome to Malaysia Airlines. It's Lisa here. How may I help you? Maître Felono. Allô ? My name is... Yes, hello. Hello, my name is Mrs. Felono from France. Can I speak to someone, please, who's speaking French? Yep. Thank you. Okay, speaking French. Give me a moment. I'm going to put you on hold, thank okay? Thank you very much. Thank you. Et voilà, voilà, voilà. Bravo. Ouais. Elle a passé le test. Français. Elle vous a bluffé. Hein. Dans quelques instants, on passera au level 2 et ce sera Bernard Sabat qui, vous allez voir, avec un accent parfois oriental, va maintenant parler anglais. Je vous rappelle que on doit à Bernard Sabat, on va essayer de vous retrouver ce son en catastrophe, une négociation en anglais où il avait demandé à quelqu'un qui était dans les souks de d'Istanbul, il lui avait parlé anglais et il voulait parler au monsieur de la boutique et il avait réussi à dire en anglais ceci. We are on the radio, Mr. From the boutique, Madaba Art Handicraft. From the boutique. Bernard va reprendre tout ça. Dès qu'il se passe quelque chose, il y aura la petite alerte que voici. Je vous demande donc, mon cher Benjamin, de patienter. On va s'occuper de vous parce que ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez pu remplacer... Ah, ça y est, alerte. Que se passe-t-il ? Allô ? Pour votre patience, comment puis-je vous aider ? Ah, bonjour, c'est du français. Bonjour, monsieur, je suis Julien Courbet. Nous sommes sur la radio française RTL, la première radio de France, où nous essayons d'aider ce matin dans le cadre de notre émission, un monsieur qui a acheté 40 billets d'avion pour un voyage humanitaire, quand vous lui avez dit la ligne est suspendue. Donc vous allez maintenant partir de Londres, etc., au lieu de partir de France, et ça va vous coûter plus cher. Et lui, il dit, non, je ne suis pas d'accord, j'avais budgété pour partir, moi, de Paris. Et voilà, il y a des numéros de réclamation, il y a tout ce qu'il fait. Il veut être aujourd'hui remboursé puisqu'il ne veut plus partir, puisqu'il ne peut plus partir de Paris et qu'il ne peut pas emmener 40 personnes à Londres et payer des taxes et en plus. Ça fait un an qu'il attend. Un an qu'il attend avec Malaysia Airlines qu'il se passe quelque chose. D'accord, monsieur. J'aimerais d'abord savoir, vous êtes en ligne à la radio maintenant, là. Là, on est en direct sur l'émission la plus écoutée de France. D'accord. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît ? Alors, mon nom, à moi, d'animateur de la radio, c'est Julien Courbet. Et le monsieur qui a acheté les 40 billets, c'est monsieur Benjamin Potier. Les billets étaient à quel nom, Benjamin ? C'était pour l'association Comité Départ. C'est l'association Comité Départ qui a acheté les 40 billets. Et qui vous a versé un acompte de Benjamin, pardon ? Benjamin Potier, mais je peux vous donner des numéros de dossiers, vous allez tout retrouver. Il y a un numéro, par exemple, de réclamation. Vous le voulez ? Oui, je voudrais tout simplement avoir le nom complet du passager, s'il vous plaît. Alors, c'est un des passagers, puisqu'ils sont 40. Alors, je vous donne tout ça en antenne, d'accord, Bernard, c'est à vous. Je vous passe tout ça en antenne, d'accord. Un des passagers, s'il vous plaît. Ça marche, je vous le donne. On bascule, je vous évite tout ça, chers auditeurs. Dès qu'il y a du concret, de la vraie négociation, on rebascule immédiatement sur l'antenne d'RTL. Bref, nous attendrons donc deux réponses. Une réponse de Malaysia Airlines et une réponse de Voyage, voyage.com, pour essayer d'avancer sur ces deux dossiers. Je suis assez optimiste. N'oubliez pas que si vous êtes passé par un plombier, un serrurier, un artisan, le résultat est un massacre. Vous faites ha-ha en voyant. Ha-ha en voyant la serrure. Eh bien, 32-10, Facebook, la page, ça peut vous arriver. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Elle peut être froide, noire, dévastatrice. Parfois même, elle soulage. Est-ce que la colère a du bon ? Vous le saurez en écoutant En effet pour s'entendre cet après-midi dès 15h sur RTL. Jusqu'au 13 septembre, Conforama vous offre des produits vendus à prix coûtant. Alors, en écoutant, on est content ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Ben, meilleur

Quand on arrivait avec Bernard Sabat à se cotiser, à avoir 20 euros, on était déjà heureux. C'était des orgies, on était trois d'ailleurs. Il y avait sa femme, lui et moi. Parce qu'on pouvait, mais on pouvait pas. On n'avait pas les moyens de se payer plus à l'époque. Pardon, Ruti. Non, mais c'est une histoire qui va. Voilà, c'est du. Ça vient de sortir, c'est à enquêter, évidemment. Il est présumé innocent. Leonardo, et quoi qu'il arrive, moi je veux garder l'image de celui qui se met à l'avant du paquebot, là, et qui lui dit hein, moi j'aurais bien aimé que vous soyez là devant moi, Maître Felono. Là, vous auriez été devant moi, là, face à l'océan. Je peux vous dire que le dialogue n'aurait pas été du tout le même. Non, on n'était pas je vous aurais dit, ferme les yeux, ça c'est sûr. Je vous aurais dit, ferme les yeux, mais j'aurais peut-être été un peu plus loin. Penche-toi légèrement en avant. Alors attention, nous allons maintenant, si vous le voulez bien. J'aime, c'est romantique. Et j'aurais fini par. Eh ben, c'est pas mes mains, comme le tour de magie que tout le monde connaît. Allez, c'est parti, à tout de suite sur RTL. On a un cas, on va revenir sur ça, c'est passé hier. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Credit Buy maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous conditions de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Le 9h30-11h, c'est un feuilleton que vous suivez du lundi au vendredi et nous vous donnons chaque jour quelques nouvelles de ce qui s'est passé la veille. Sarah, nous allons parler de Catherine. Catherine, voilà ce qu'elle nous a dit hier sur l'antenne du 9h30-11h RTL. Je suis une graphiste, j'ai travaillé pour un club privé, très branché, qui fait tout pour jouir d'une image de marque, mais il me doit 7 600 €. J'ai même eu droit à des chèques en bois. Alors, rappelez-nous ce qu'est l'utilité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce club privé très chic? Alors, dans ce club privé, eh bien, ce sont des activités de nature artistique. Alors, il y a des expositions, il y a du cinéma, il y a des gens qui boivent un coup, il y a des gens qui dansent, comme dans n'importe quelle boîte de nuit. Mais en plus, c'est très axé sur un événement artistique. Voilà. Alors, nous avons hier eu Catherine, elle est peut-être en ligne. Catherine, ce matin, Catherine, rebonjour. Bonjour Julien. Donc Catherine, vous avez travaillé pour, c'est pas une association, hein, c'est une société. Vous avez travaillé pour eux en tant que graphiste, pour leurs flyers, etc. Et vous n'avez pas été payé, ils vous doivent 7 623 €. Hier on a appelé le comptable. Le comptable nous a dit, écoutez, la société marche, parce que je lui ai demandé peut-être que vous n'avez plus de sous. Il m'a dit, elle marche. Je lui ai dit, mais pourquoi elle n'est pas payée? Elle dit, je ne suis pas celui qui signe les chèques. Moi, je suis le comptable, mais s'il n'y a pas le patron qui les signe, moi, je ne peux rien faire. Nous avons appelé le patron, il était en réunion, il devait nous rappeler. A-t-il rappelé? Et malheureusement, non, Julien. Il faut savoir que je lui ai laissé encore deux messages en lui expliquant qu'il pouvait m'appeler même tard le soir, ce n'était pas bien grave, ou très tôt le matin avant que je prenne l'antenne ce matin. J'ai rappelé ce fameux monsieur Boudin, j'ai rappelé cette madame Samter, responsable des ressources humaines. Ils étaient tous, encore une fois, désolé en m'expliquant que sans ce monsieur Frisch, qui est le gérant, ils ne peuvent pas prendre de décision. Alors bon, écoutez, j'attends toujours son appel. Je vais retenter aujourd'hui, mais s'il m'entend sur l'antenne, s'il vous plaît, monsieur Frisch, c'est 5 minutes de communication. Et si monsieur Frisch, puisqu'on avait décidé de lancer un Frichton, de l'appeler tous les jours, encore une fois, il n'est pas obligé de nous parler. Je peux le comprendre, mais il l'appelle directement. Il appelle Catherine et il lui dit, voilà, arrangeons-nous, trouvons des solutions. Mais on ne peut pas rester sans rien faire. Elle a travaillé, elle n'a pas été payée. Il y a même combien de photographes? Un photographe. Il m'avait dit le photographe. Il y a plusieurs photographes à ne pas être payés. Il y a plein de personnes dans ma situation vis-à-vis du Silencio. Bon, alors, merci au Silencio, à cette entreprise, et c'est très bien ce qu'ils font, d'organiser des soirées très hype, comme l'on dit, mais il faut payer les prestataires. Donc, Catherine, le Frichton continue et on appelle. Frichton. Le freak, c'est chic. Non. Frichton. Non. Ah, Frichton. Monsieur Frisch, le Frisch, c'est chic. On va essayer de l'avoir tous les jours, Catherine, d'accord? Mais c'est exactement le reflet de la situation. Hein. Une équipe qui ne savent jamais, qui se moque des conséquences, c'est des gens, en fait. Non, mais ce qui est fou, c'est de continuer. Encore une fois, on peut avoir des difficultés. Et ça, il ne faut pas blâmer l'entreprise qui a des difficultés. Ça ne se passe pas toujours comme ça, comme on veut. On peut avoir un coup dur, un client qui vous lâche, un impayé. On appelle dans ces cas-là ses prestataires et on dit, voilà ce qui m'arrive, on va trouver une solution. Mais on ne continue pas à faire des soirées. Toi, je ne peux pas te payer photographe parce que je n'ai pas d'argent, mais je vais en appeler un autre pour la deuxième manifestation que je ne paierai pas parce que je n'ai pas d'argent. Et on va en appeler un troisième. Et au bout d'un moment, il y a une queue de photographe, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais sachez quand même que juste après le direct d'RTL hier, l'assistante de Coralie Gauthier a quand même passé une annonce pour recruter un stagiaire graphiste en disant que c'était un excellent établissement. Oui, bah, évidemment. Mais ça, c'est... Envoyez-nous la petite annonce, d'ailleurs, ça serait rigolo. C'est vraiment ça. De la provocation, ouais, de l'insouciance, mais à un moment donné, il faut payer les gens. Et puis voilà, quand on y va, après, il faut savoir qu'à tous ces gens qui font partie de la société, ils participent à ça. Ils participent en y allant. Exactement. À ceux qui ne sont pas payés. Il faut qu'ils le sachent. Donc, monsieur Frisch, on n'est pas là pour vous embêter. Vous faites des choses formidables parce que c'est des belles soirées, certainement. Mais soyez sympas, prenez contact avec Catherine. Demain, suite du Frichton. D'accord, Catherine ? Merci. Merci, gros bisous. Bien, il y a eu une alerte que j'ai zappée, que je viendra entendre. Sur quel dossier ? Sur le cas de Violetta, son voyage en Crète. Alors, avec Violetta, voyage privé. On rappelle ce que nous a dit Violetta, c'est important que les auditeurs se remémorent parce qu'il y a beaucoup de cas. On est parti en vacances pour un séjour en Crète. Ça nous a coûté 3 350 euros. L'hôtel devait être un 5 étoiles, mais il a dû les perdre le temps que l'on arrive sur place. N'oubliez pas d'aller voir le film de Marie sur Facebook. La page, ça peut vous arriver, où elle vous a fait un avant-après sur cette... Ça marche très fort. D'ailleurs, vous êtes nombreux à le regarder. C'est bien parce que vous comprenez beaucoup mieux, du coup, le cas. Julien, nous avons carrément le service après-vente qui devait nous appeler à 10h15. Ils l'ont fait. Et c'est Élodie de Voyage Privé qui est là. Ah, c'est super. Est-ce qu'elle peut m'accorder une minute, une petite minute, Élodie, le temps d'une pause, et nous allons avoir l'explication. Je le redis, ils ont répondu tout de suite. Ils travaillent en toute transparence. C'est une grande agence sérieuse, des quoi qu'il y en a partout. Ce qui compte, c'est de pouvoir les régler tout de suite. Voyons ce que va nous dire Élodie sur RTL après ceci. Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, dont YouTube et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'sais. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec maintenant, on va faire quoi très exactement ? Violetta, pardon, excusez-moi, j'avais la dame, j'étais en train de regarder les autres dossiers. Donc nous avons la personne en ligne, c'est parti, nous l'écoutons. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Élodie en direct sur RTL, je vous écoute. Oui, bonjour Julien, Élodie Prieur de Voyage Privé, je suis la responsable du service consommateur. D'accord. Je reviens donc vers vous par rapport au dossier que vous êtes, dont vous êtes en train de parler ce matin, la cliente qui a séjourné sur le Crete & Pearl. Donc j'ai repris l'intégralité du dossier, des différents échanges qu'il y avait eu avec cette cliente pendant son séjour sur place. Après effectivement étude de ce dossier, il semblerait que les prestations de l'hôtel que nous connaissons et que nous avions visité avant le début de la saison se soient dégradées pendant la haute saison. Et à cet effet, nous souhaiterions faire une proposition de dédommagement à notre cliente d'un montant de 20% de la prestation terrestre, qui se monterait à un dédommagement de 550 euros. D'accord, 550 euros, ça c'est bien, c'est une belle proposition, enfin du moins je crois, on va demander à Violetta ce qu'elle en pense. Violetta, oui, c'est correct. Hein, oui. Je pense que c'est une belle proposition, vraiment, oui. Par expérience, oui, ça correct. Vous convient? Oui, voilà, et comme ça vous permet, Violetta, de rester client de Voyage Privé. Il peut y avoir, et je peux vous le dire, tous y sont passés, sans exception. C'est des gens sérieux, et là où l'on voit le sérieux, c'est pour ça que je le dis, j'ai aucun intérêt moi dans l'affaire, mais quand les gens prennent leur téléphone et disent, il y a un problème, on va le régler chez nous, pas de client insatisfait, là, il est là le sérieux. Là, ils le font, ils vous font une très belle proposition, donc vous pouvez leur faire confiance, et vous verrez que du coup, la prochaine fois, je pense que vous aurez un accueil privilégié. Ce n'est pas un avoir, Julien, en plus, c'est une monnaie sonnante et trébuchante. Oui, oui, madame. Julien, oui. Je souhaitais juste à ajouter que, bien évidemment, nous ne reprogrammerons plus cet établissement. Alors ça, c'est encore plus pro, ce qui prouve vraiment votre sérieux. Oui. Bravo. Eh bien, voyez, je suis très heureux de pouvoir dire à tout le monde qu'en allant sur voyage privé, il y a des gens sérieux derrière. Encore une fois, le quoi que peut arriver, mais il est réparé. Et surtout, il le sort, parce qu'on a fait des cas où les hôtels, on les retrouve deux jours après. C'est-à-dire, on nous dit, oui, le client va être indemnisé, mais on ne change rien. Là, un process est en place, grâce à vous, un peu Violetta. Bravo, voyage privé, on ira chez vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, madame. Voilà Violetta, 550 Merci euros. Merci beaucoup, Julien. Elle est contente, Merci. La Violetta? Oui, très. Quelle est la très, radio très contente. Qui s'occupe Merci, le mieux de ses auditeurs, Violetta? Merci à vous, merci à votre équipe, merci, je vous embrasse très fort. C'est pas grave, moi aussi. Gros bisous, à très bientôt. Allez, nous allons enchaîner avec Corinne. Corinne, c'est une belle enquête également que nous allons faire avec un bel impayé et avec un monsieur qui s'est un peu moqué de Corinne. Vous allez voir ce cas dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Alors, ça concerne les chevaux, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, là, on est dans une transaction avec des choses, des prestations qui n'ont pas été payées. Quand on commence à envoyer du chèque en bois, etc., je trouve que là, c'est un petit peu léger. 32-10 touche numéro 2 pour aller sur le standard jeu, refaites numéro 2 pour gagner l'iPhone 6S ou bien RTL au 74 900. Alors je rappelle que tous vos problèmes de voyage, hein, c'est maintenant ou jamais, là, c'est maintenant qu'on peut les régler. Envoyez-moi tout ça, et idem si vous avez été victime d'un dépannage qui a tourné à la catastrophe avec du travail mal fait et des prix qui montent jusqu'à 3 000-4 000 euros. C'est parti, on y va. Alors là, on va remettre le disque au début parce qu'Adèle, elle est prête. Je sais pas ce qu'il lui a pris, Adèle, il m'a tout envoyé. Xavier Kassovitz, j'étais en train de parler de serrurier, j'ai pris l'alerte, Adèle, un flash info, un truc de l'année dernière. Ah, vous vouliez le mettre en boucle. Oui, mais c'est des choses compliquées, ça, Xavier. Il faut pas se lancer dans des trucs comme ça. Ou alors suivez une formation. On paie le 1% patronal ici, RTL, pour des tas de formations. Je rappelle qu'en plus, Xavier, vous le verrez très prochainement, puisque j'ai eu la confirmation par le Guinness des records. Il sera donc l'homme qui aura eu le plus de RTT cette année. Ah, ouais. Eh oui, puisque je crois que cette année, il va se taper ses 120 jours. Mais pourquoi? Parce que quand il travaille, il fait pas 39 heures. Enfin, s'il les fait... Par jour. Bah ben, il peut pas par jour, mais sur deux jours. Non, mais on plaisante sur lui. De toute façon, l'émission n'existerait pas. Si je dois me séparer de l'un d'entre vous, en dernier, ça sera Xavier. Et moi en premier, je suppose. Ben, vous, le problème, c'est que vous n'êtes pas encore au courant, mais normalement, vous ne deviez pas être là ce matin. Allez, à tout de suite sur RTL. On écoute le nouveau Adèle. Le nouveau Adèle sur RTL. De la bonne humeur, mais de l'efficacité. Vous l'avez vu. Voici Sun My Love. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love. nouveau Adèle est sur RTL, il est 11h25, c'est le 9h30, 11h sur RTL, l'émission qui règle vos problèmes dans la bonne humeur mais avec une efficacité redoutable. Voici un nouveau cas. Écoutez bien ce que Corinne nous a envoyé sur le répondeur du 9h30, 11h. Nous avons loué deux box à des propriétaires de chevaux. Ils nous doivent 712 euros. Le père nous a fait un chèque, mais il est sans provision sur une société qui n'existe plus. Les gens qui ont des chevaux et qui font de la balade, de la compétition, tout ce qu'ils veulent, vont louer des box dans des centres où là, on va s'occuper de votre cheval et c'est une petite pension qui se paie. Et là, visiblement, il y a un bel impayé. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Corinne? Marguerite-sur-Duclair. Donc vous avez quoi, vous, un centre d'accueil comme ça? C'est un club? C'est quoi exactement? Une écurie privée? Une écurie privée de mon fils qui se situe à Pont-l'Évêque. D'accord. À Coudray-Rabu. Une terre de cheval. Donc à Pont-l'Évêque, on vous loue deux box pour deux chevaux. Oui. Il s'agit de deux cavaliers. Ces deux cavaliers sont jeunes, c'est donc le père qui s'occupe des démarches et qui est censé payer. Oui. Au début, il a payé ou c'est dès le départ qu'il y a eu des incidents de paiement? J'ai déjà eu un incident de paiement en avril. D'accord. Donc, il vous doit aujourd'hui combien de mois de pension? Juste le dernier mois, parce que l'autre s'était rétabli. Et alors, bon, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous insistez à passer à la radio? Parce que là, vraiment, vous sentez qu'il ne va plus payer. Et surtout, il y a eu un petit plus, c'est que vous avez eu un chèque qui ne vous a pas plu. Ah bah oui. Dites-moi, racontez-moi. Bah, j'ai eu un chèque de 500 au lieu de 712. Et il est revenu. Et là, je dis, à quoi bon? À quoi bon faire un chèque avec une mauvaise somme s'il doit être en bois? Autant faire la vraie, c'est quand même bizarre ça, Maître Fellono. Il doit 712, il en fait un de 500 en bois. Il fallait en faire un de 10 000, soyons seigneurs, dans ces cas-là en bois. Bon. Non, mais surtout si la société n'existe plus, mais je crois qu'elle est plutôt en sommeil, c'est quand même assez embêtant. Ça ne peut pas donc être une simple erreur, car ce monsieur a essayé de se justifier. Il dit, ah non, mais attends, je n'ai pas voulu t'avoir, mais il paraîtrait qu'il aurait payé d'autres commerçants avec justement, ce chéquier. Vous donc, me tendez voilà. La perche, j'ai en ligne monsieur Edouard. Non, il n'est pas là. Marion, bonjour. Bonjour. Alors Marion, vous avez vécu la même situation avec ce monsieur? Oui, en effet, sur un concours sur lequel il s'était engagé, il m'a loué des box et réglé par chèque et les chèques sont revenus impayés. Alors là, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que c'est à quelle période, vous, Marion? Au mois de juin. Au mois de juin, et vous, ça date de quand, Corinne? Mois de juin. Ouais, alors, ça en fait beaucoup. On sait, alors peut-être qu'il ne savait pas, je ne sais pas, moi j'essaie de lui trouver des excuses, qu'il ne savait pas qu'il était à découvert, mais apparemment, au mois de juin, il a lâché le chéquier. Je vais essayer d'appeler ce monsieur tout de suite pour essayer qu'il nous donne sa version des faits. C'est tout à fait normal. On y va. On appelle le papa, ça ne sert à rien d'appeler les enfants. Allez, c'est parti, l'appel est lancé. Deuxième sonnerie. J'espère qu'il est joignable. Sinon, on sortira le porte-voix. Encore une fois, c'est pas le chèque en bois qui nous attriste. Ça peut... Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Gérard Albert? Oui. Bonjour, Gérard Albert. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Et je suis avec Corinne, qui a les box, vous savez, où vos enfants ont mis les chevaux, qui voudrait essayer d'avancer un petit peu avec vous. Corinne, pourquoi êtes-vous passée sur RTL? Expliquez à monsieur. Parce que j'arrivais plus à joindre mon mari et moi, monsieur Brillon. Il donnait pas suite à notre règlement de 712 euros de la pension du mois de juin. Et apparemment, il y aurait eu un chèque de 500, mais un chèque impayé. Donc elle est un peu embêtée. Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Qu'est-ce que vous l'avez prévenu que vous aviez des problèmes? Écoutez, je suis tout à fait à son écoute. Elle le sait d'ailleurs. Elle peut venir me voir quand elle le veut. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je croyais que monsieur, j'entends bien. Vous dites, je suis à son écoute. Vous lui avez fait un chèque en bois. Donc qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle écoute quoi? C'est elle qui est à votre écoute et qui attend la solution. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? À quoi ça servirait qu'elle vienne vous voir, monsieur? Écoutez, monsieur, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si oui. Elle sait où j'habite, j'ai pignon sur rue, j'ai de l'argent, je peux la payer quand elle alors, le alors, monsieur, sachez également qu'il y a les gérants des écuries de Saint-Père qui sont en ligne. Marion, vous êtes là? Oui, tout à fait. Marion, donc vous aussi, parce que monsieur, il a raccroché. Voilà, là, on est typiquement, je pense, tombé sur quelqu'un qui est quand même beau parleur. J'assume ce que je dis. Voilà, il est pignon sur rue, etc. Regardez le ridicule de la situation. Vous faites un chèque en bois, et là, vous appelez la personne en lui disant « arrangez le coup ». Et là, il vous dit « attendez, Elle a qu'à venir me voir, enfin. Mais pourquoi ? J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Mais envoie-le, l'argent. Elle va pas venir. C'est quand même pas à elle de venir vous voir. Vous faites un chèque, vous le mettez dans une enveloppe, vous mettez un timbre, vous le postez et elle arrive. Et en plus, c'est le deuxième. Donc ce monsieur, c'est pas bien ce qu'il fait. Donc je lui relance un appel pour que le calme revienne, que nous puissions discuter entre gentlemen, amoureux du cheval. Monsieur Gérard Albert Brision, s'il vous plaît, soyez sympa. Veuillez envoyer le chèque à Corinne et n'oubliez pas celui de Marion et des écuries de Saint-Père. P-A-E-R, c'est ça? Ça se trouve où, Saint-Père? Marion? Oui, pardon. Ça se trouve où, Saint-Père? À côté de Duclair, au-dessus de Rouen. À côté de Leclerc? De Duclair. Ah, Duclair, pardon, parce que Leclerc, il y en a beaucoup, je me suis dit, on va pas trouver. Non, alors, maintenant, il y a l'aspect juridique. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, toutes les deux, avec ces chèques à payer? Alors, effectivement, eh bien, il y a la case tribunal, c'est-à-dire qu'il faut faire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en disant, je vous mets en demeure de me payer le loyer de 712 euros et le mois qui est dû, effectivement, pour l'une, et Marion, je ne sais pas combien on vous doit, et s'il ne répond pas, ben, à ce moment-là, vous passez par la case tribunal. Vous êtes professionnel et lui est un particulier, donc ça se passera devant le juge de proximité. Ah, encore mieux. Oui, parce que c'est inférieur à 4000 euros et que le défendeur, celui qui est impliqué, est un particulier. Il y a une alerte, elle vient de qui, s'il vous plaît? Elle vient de moi, Julien. C'est le cas, vous savez, de Benjamin et Malaysian Airlines. On était avec un superviseur. J'ai des nouvelles, donc je peux vous en donner quand vous le souhaitez. Alors, on va conclure là-dessus. Corinne, nous allons, à partir de maintenant, avant de lancer les démarches, on va laisser le temps à monsieur Gérard Albert Brision de prendre contact avec vous. Il n'est pas obligé de parler avec nous, mais surtout, il a dit, j'ai de l'argent, j'ai pignon sur rue. Donc tout va bien. Ce dossier est juste fantastique. Il peut se régler dans l'après-midi. S'il a de l'argent, il prend un chèque, il fait un virement, il fait ce qu'il veut et il paie. Mais il ne raccroche pas au nez. Donc Sarah, si demain matin, il n'y a pas de nouveau, on re-rappellera M. Gérard Albert Brision. C'est dommage parce que ça met ses enfants dans... Alors, mais vous avez toujours les chevaux, vous? Non, il a tout repris. Ah, il a tout repris, il n'a pas payé, d'accord. Alors demain, on le rappelle, sauf si dans l'après-midi, il a fait quelque chose pour vous, il a de l'argent, je suis ravi pour lui. J'aime les gens qui ont de l'argent et qui le dépensent. Ça fait longtemps qu'on entend ça. Eh oui, je me doute bien. C'est le domaine du Ouvre. Hein. Lui, il a une ferme, c'est ça, pédagogique? Oui, il a une ferme pédagogique, il est écrivain, il est plein de choses, il ne manque jamais d'argent. Bon, ok, bah écoutez, tant mieux. Demain, on reprend ça, s'il veut nous rappeler d'ici là, on va quand même tenter de le rappeler hors antenne pour essayer de trouver la solution. Alors, Bernard, je marque une petite pause et vous me redonnez du nouveau sur le cas des 40 billets d'avion réservés pour une ligne qui va être annulée. Et donc, on dit aux personnes, mais vous partez plus de Paris, vous partez de Londres et tout ce qui est en plus, c'est à vous. C'est à vous de le payer. Il dit pas d'accord, vous me remboursez. Encore bien heureux que je ne demande pas des dommages et intérêts. Vous êtes sur RTL, 9h30, 11h. Ayez le sourire, nous vous accompagnons tous tout au long de l'année. On est tellement heureux d'être avec vous sur RTL. À tout de suite. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Vite, chérie, fais de la place dans le chariot. Ah, c'est l'opération gros volume chez Netto. Oui, jusqu'au 4 septembre, il y a 50% de remise immédiate sur le lot de deux bidons de lessive liquide régulier Ariel Simply. Netto, le discounter qui fait la différence. 6,92€ le lot de 2 fois 2 litres 145, soit 4,29 litres, soit 1,61€ le litre au lieu de 3,23€. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Ça va, Bernard? Alors, nous allons revenir sur le cas de Malaysia. Je vous écoute, Bernard. Écoutez, on a parlé donc avec Benjamin et Joël, le superviseur évidemment de la plateforme qui est basée au Fidji, Julien, maintenant. Sachez-le, ça parle français, mais c'était au Fidji. Et aujourd'hui, c'est un jour férié à Kuala Lumpur, donc on n'aura aucun interlocuteur. Le superviseur va être informé là-bas à Kuala Lumpur de cette démarche. Logiquement, dans les 5 jours qui viennent, notre ami Benjamin devrait recevoir un mail pour connaître exactement la situation de Malaysian et cet argent dû. Voilà la réponse. Est-ce que Malaysian pourrait être en très grosse difficulté? Ils sont en très grosse difficulté, vous le savez, malheureusement, depuis l'accident qu'ils ont eu en 2014, deux accidents, et dont un en 2014, c'est vrai qu'ils sont très mal, mais pour autant, les vols existent au départ de différentes plateformes, donc logiquement, l'argent, la compagnie existe, donc on doit payer. Alors, lui, il attaquerait où, s'il voulait? Est-ce qu'il attaquerait, puisqu'il a acheté à Paris, il attaquerait Malaysia à Paris, ou il serait obligé de... Alors là, je ne sais plus. Moi, je dirais Londres, puisque c'est le premier bureau qui est proche. À mon avis, il a acheté, effectivement... par Londres. Je ne vais pas vous dire acheter qu'avec la compagnie française, c'est ridicule parce qu'il y a plein de vols qui sont faits par des compagnies étrangères qui sont très intéressants. Après, il faut savoir que quand vous avez un problème, il faut aller attaquer à Londres, etc. Et là, c'est compliqué. C'est pour ça que la bonne solution, c'est celle que vous a donnée Bernard. Surtout si c'est un vol qui coûte cher, un vol, vous prenez une agence, elles sont là pour ça, et vous rajoutez un petit forfait. Un petit forfait, c'est une demi-journée. Une journée, une nuit d'hôtel, Julien, une location de voiture. Une location d'hôtel, une nuit d'hôtel, vous prenez un hôtel à 30 euros, à 20 euros, et ces 20 euros-là font que s'il y a un problème, c'est l'agence en France qui vous rembourse, et si elle ne le fait pas, c'est en France que ça se passera, les démarches, et vous allez gagner un temps fou. C'est vraiment la règle d'or. Bien, et ben on continue, on va pas lâcher. Pour Corinne, on attend, on va rappeler en antenne, vous allez le faire pendant la pause, Gérard Albert Brision. Nous allons également vous parler d'un autre cas qui s'est passé hier, c'est Philippe qui avait pris son crédit à la consommation, et la banque a décidé d'arrêter de payer le crédit. Il ne sait pas pourquoi, il n'avait rien demandé, et du coup maintenant il se retrouve dans une situation impossible. Pire, c'est même pas d'arrêter de payer le crédit, c'est que les 17 prélèvements, les 17 paiements qu'il a fait, la banque les a annulés et les a récupérés pour le remettre sur le compte de Philippe, qui n'avait rien demandé à personne, si ce n'est que de payer régulièrement son crédit à la consommation. Bon, et bien nous allons parler de tout ça. Vous avez vu que donc Emmanuel Macron va se présenter, enfin, il ne le dit pas encore, mais ça va faire encore un nouveau candidat. Il a démissionné. Ça fait beaucoup. Non, mais voilà. Il va se présenter. Attendez, il ne va pas nous prendre pour des imbéciles. Mais il a raison de se présenter. Ça fait encore un candidat de plus. Mais au bout du compte, on était nous les électeurs. On est là pour choisir ceux qui vont aller à la primaire, mais ils sont plus que nous maintenant. Donc je me demande si c'est pas ceux de la primaire qui vont choisir les électeurs qui vont voter, parce que il vaut mieux faire ça. C'est eux qui vont choisir qui va aller voter. Ils sont plus nombreux que nous. On va jamais s'en sortir de cette histoire. Ah, rêvons. Rêvons une présidentielle où on ne retrouve pas toujours les mêmes. Hein. Oh! I said fire. Superchamp, Dreamer sur RTL. Allez, ça s'est passé hier, c'est un feuilleton, vous le savez que vous suivez chaque jour, c'est parti. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Hier, Philippe nous a appelé pour cette histoire de crédit à la consommation. Alors, Maître Fellono, s'il vous plaît, en deux minutes, rappelez-nous exactement ce qui est arrivé, parce que c'est un cas de banque, c'est vraiment un cas d'école sur RTL. Mais Philippe a souscrit un prêt, il le remboursait en prenant de l'argent tous les mois par prélèvement sur son compte bancaire, son compte courant habituel, et puis un jour, il voit que son compte courant était crédité de 12 000 euros. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et son banquier lui dit, bah, figurez-vous que moi, j'ai annulé les 17 paiements que vous avez faits à votre organisme de crédit, et je les ai mis sur votre compte. Mais depuis quand vous faites ça? Ah, je vous ai rien demandé. Ah ben oui, on s'est trompé, on va rétablir la situation. La situation, eh bien, n'a jamais été rétablie, ou en tout cas très tardivement. De ce fait, l'organisme de crédit a fait jouer sa clause résolutoire qui lui permet, et il l'a fait d'ailleurs valoir devant un tribunal, d'obtenir la condamnation de Philippe à payer 100% du crédit tout de suite et non plus sur les plusieurs années qui étaient prévues au départ. Voilà, maintenant il va être interdit bancaire parce qu'il n'a pas l'argent, il doit plus de 20 000 euros, il se demande bien où il va les trouver, il a jusqu'au 20 septembre pour trouver une solution avec son banquier. Sarah, où en est-on puisque vous avez continué l'enquête? Je pense que tout va s'arranger, Julien. Pourquoi? Parce que hier, j'ai la directrice de la communication de la banque HSBC qui m'a effectivement rappelé pour me dire, écoutez, le dossier est vraiment compliqué. Bon, ça effectivement, on confirme, on le savait. On a besoin d'apporter une totale transparence et savoir d'où vient réellement l'erreur, parce que là vraiment pour le coup c'est extrêmement compliqué. On va trouver une solution, on va arranger la situation, laissez-moi juste un petit peu de temps. Donc je pense que d'ici 2-3 jours on devrait avoir une solution. Je ne sais pas si Philippe est en ligne avec nous. Philippe, vous m'entendez? Oui, bonjour Julien. Alors d'ici 2-3 jours on trouve la solution, ça vous convient? 2-3 jours c'est parfait. Ah bah voilà. Parce que si c'était 4, vous m'auriez dit non. Il va falloir faire plus vite. Et vous remuez un petit peu les fesses, monsieur Courbet. Je vous aurais dit avant le 20 septembre. Ah oui, parce que je rappelle quand même qu'il y a l'épée de Damoclès. Le 20 septembre, il est interdit bancaire. Mais ils en sont conscients. Ah oui, ça va se régler avant, Philippe. Bon, c'est tant mieux. Philippe, je vous tiens au courant, donc dans les heures, jours, mais en tout cas, on va faire en sorte que lundi, dernier cara. D'accord? Super. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci. Vous avez été bien reçu à HSBC. Extrêmement bien reçu, Julien. En plus, ils vous ont un petit peu fait des éloges en disant, voilà, on est effectivement la banque de Julien Courbet, on s'est loupé, mais on est très sérieux, dites bien à Julien, qu'il doit avoir confiance en nous. Et j'ai confiance, c'est pour ça que j'appelle, et je le redis, je suis désolé de me répéter. Quand on parle de ces sociétés, c'est pas pour mettre avant un dysfonctionnement. Je ne connais pas une société au monde où il n'y ait pas de dysfonctionnement. Le sérieux, c'est de dire, cher client, pardon, on s'est planté, on rectifie tout de suite et on n'en parle plus. Et c'est de mettre en place un process pour que le client ne soit pas obligé, à un moment donné, parce que ça rend service, je crois aussi aux sociétés, d'appeler une radio pour se retrouver interdit bancaire. Il est arrivé un truc à une copine, je voudrais qu'elle témoigne d'ailleurs un jour, je vais lui dire d'appeler pour une somme, vous n'imaginez même pas, 10 euros. 10 euros, oui. 10 euros de découvert, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a 10 euros de découvert. Donc tout de suite, elle s'aperçoit que sa carte est bloquée. Elle va à sa banque, elle dit, mais ça y est, tenez, voilà les 10 euros, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, on ne prend pas de liquide, c'est impossible, puis de toute façon, la machine est lancée, enfin bref, elle s'est retrouvée interdit bancaire pour une histoire de 10 euros, parce que c'était un stagiaire et qu'on était en plein été, et que le stagiaire de la banque était incapable de gérer le problème. C'est une histoire de fou. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, nous allons peut-être faire gagner un petit iPhone 6S. Un iPhone 6S d'une valeur de plus de 860 euros. Donc, vous avez joué, voyons, qui maintenant, tonton Georges, a trouvé. C'est un tirage au sort effectué par un huissier, Maître Enfoiros, qui, je vous le rappelle, prend en général des membres de sa famille, quand ils ne sont pas là, appelle de vrais auditeurs. Donc normalement, c'est un vrai qui est là. Allô? Non, ça sonne pas. Ça va sonner. Oui, allô? Gendarmerie nationale, madame Valérie Huto? Pardon? Oui, gendarmerie nationale, à l'appareil. Pardon? Oui, la gendarmerie nationale, s'il vous plaît, à l'appareil. Êtes-vous madame Valérie? Oui. C'est comme non, ça. Comment ça, oui, non? Vous êtes Valérie ou vous n'êtes pas Valérie? Mais n'est-ce pas la gendarmerie? Vous me faites peur. Ah, bah oui, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour être gentil, je suis là pour faire peur aux gens. Et une fois qu'ils ont peur, vous voyez, je les déstresse en leur disant qu'ils ont gagné un iPhone 6S. Comment ça va, Valérie? Je vais bien, mais. Elle est à Châteaubriand. Vous voyez, je le tiens bien, le gendarme, en tout cas. Autant je me suis vautré sur... J'en ai fait au moins 50, ça n'a jamais marché. Mais là, le gendarme, ça a marché. Oh, vous m'avez fait peur. En plus, j'ai peur des gendarmes. Ah, vous avez peur des gendarmes? Mais pas du tout. Ils sont là pour nous aider. Loire-Atlantique. Ouais. Vous avez une famille, ouais. Racontez-moi, Valérie. Écoutez, oui, je vais surtout être un peu plus à la page aujourd'hui avec ce téléphone pour pouvoir prendre des photos de ma fille qui a la même passion que vous. Ah, laquelle? Les chevaux? Ah oui. Les chevaux, ouais. Et faire des petits films, etc. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que vous aviez une e-cabine téléphonique. Qu'est-ce que vous entendez par e-cabine téléphonique? J'ai un téléphone, j'ose même pas vous dire ce que c'est, ah, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que ça n'existe plus. Une vieillerie, mais gardez-le. Vous avez une pièce de collection? Oui, je pense, oui. Oh là là. Eh bien, vous avez gagné, là, le dernier cri. Vous avez le mieux du mieux, l'iPhone. À mon avis, ils ont quel âge, vos enfants? 18 et 15 ans. Ouais, vous avez intérêt à lui mettre un cadenas, parce qu'à mon avis, il va vite disparaître celui-là. L'iPhone 6S Plus, c'est le plus grand, en tout, plus large. Ouais. Voilà, c'est le mieux du mieux. Eh bien, je vous fais un énorme bisou, Valérie. Je vous remercie. Et écoutez, peut-être qu'on se reverra au jumping de la Baule, puisque nous nous sommes rencontrés là-bas. Ah, vous allez au jumping. Il est super. C'est le plus beau jumping de France. C'est l'un des plus beaux concours de France. C'est vraiment magnifique. Il est organisé par Fleur Leroyer, qui est formidable. Et c'est d'une beauté, là, sur Gazomètre Felonneau, vous adoriez. Parce que si. Alors déjà, vous avez les plus gros chevaux du monde, c'est Formula, vous savez que c'est des chevaux qui valent 3-4 millions d'euros, qui sont là, qui sautent des obstacles, mais la pelouse, les tentes blanches, c'est raffiné, c'est décontracté, c'est gratuit, donc les gens se mélangent aux cavaliers, les balades sur la plage, vous voyez à 7h du matin, là, les cavaliers aller le long de la mer, le soleil se lève, le crottin est là, mais il est ramassé tout de suite par les services de la municipalité, parce que la plage de la Baule est particulièrement bien tenue par la municipalité, je tiens à le dire. Moi, je l'adore ce concours. Ah bah, écoutez, vraiment. Si on y va, j'espère y aller l'année prochaine, on boit un café ensemble, Valérie. On a parlé ensemble. Non, Valérie, ne vous lancez pas là-dedans parce que le café, on l'a pris, oui. Mais vous avez une j'ai pris adorable. Seul parce que. Ah oui. On a fait ça à trois avec ma femme en plus. Je me rappelle même plus. J'avais ma femme, était là aussi, elle vous a parlé? Bien sûr. Ah bon, bah, habituellement, elle est. L'aime pas que je parle aux femmes, ouais, d'accord. Bah oui. Ok, Valérie. Et vous étiez avec votre mari, Valérie? Comment? Non, ça c'est le rêve de ma fille d'aller. Écoutez, je vous propose. Fille, elle monte, ça y est, elle est passée en amateur, elle fait 1m15 et c'est son rêve, ouais. Votre fille fait 1m15. Oui. Ça va l'aider pour faire du cheval. Non, mais elle saute 1m15. Ah, elle saute 1m15. Je croyais qu'elle faisait 1m15. Je me suis dit, effectivement, elle peut être jockey. Elle va faire un carton. Bon, allez, je plaisante. Valérie, je vous fais un gros bisou. Merci à vous, Julien. À très, très vite. Sur RTL, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a voulu que l'on aide Maître Felonneau. Ah oui. Ah. On a lancé un sondage. Est-ce qu'on a le droit d'aider Maître Felonneau sur l'antenne? C'est vous, auditeurs, qui choisissez. Vous avez répondu oui, car elle a plus de ligne téléphonique et elle a du mal à joindre les auditeurs pour essayer de comprendre les problèmes. Où en est-on, s'il vous plaît? Mais j'attends. Ah bon? Mais j'attends des nouvelles d'un charmant monsieur qui m'a écrit. Comment s'appelle-t-il? Deux fois. Manu. Non, Emmanuel Gauthier. Vraiment, j'attends sa réponse parce qu'effectivement, il doit faire une enquête. Mais immédiatement, j'ai eu un petit mail de sa part. Je lui ai répondu immédiatement. Bon. Et alors, donc, quel opérateur? C'est Orange. Alors, monsieur Gauthier de chez Orange, hein, on compte sur vous. Elle a besoin de son téléphone pour pouvoir aider nos auditeurs. Merci d'avoir répondu, en tout cas, aussi vite sur l'antenne d'RTL. Vous êtes passé par un plombier, serrurier, artisan. Quoi qu'il arrive, le résultat est un massacre et ça vous a coûté un bras. 3210 ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. Voyage cauchemar, photo, très très vite, prioritaire. Facebook, page, ça peut vous arriver ou 3210. RTL. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos... C'est des Bic. Voilà, et tes cahiers? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages, 24x32, grand carreau Clairefontaine. Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous allons remercier Maître Felonneau, Bernard Sabat, Julien, toutes les équipes d'Alain. Stéphane est déjà en place. Absolument, cher Julien. Je suis en place avec l'un des écrivains les plus prolixes qui existent en France, Éric Emmanuel Schmitt, pour son nouveau roman, L'homme qui voyait à travers les visages. Et je vois bien votre jeu à travers votre visage, Julien. Ah bon, c'est vrai, vous arrivez à lire dans mes pensées. Oui, il y a quelqu'un sur votre épaule. Quelqu'un sur mon enfant épaule. qui est resté en vous. Évidemment. Oui. Et qui aime la musique disco. Bien sûr, c'est vrai, vous avez raison. Mais je vous ferai partager ma passion du disco. Oui, j'adore. Avec votre souplesse, on devrait avoir un bon résultat. Merci, c'est danse avec les stars. Stéphane Bern arrive dans quelques instants, ne le manquez pas. À demain matin, 9h30, sur l'antenne d'RTL. Il est 11h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Emmanuel Macron a fait ses cartons et il a quitté Bercy. L'ancien ministre de l'économie a laissé les rênes à Michel Sapin. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin. Emmanuel Macron s'est dit très fier d'avoir servi le gouvernement, mais il fait désormais un autre choix. Aujourd'hui, c'est celui du départ, pour ce qui me concerne. Je suis convaincu que les choix que j'ai pu faire, les circonstances que nous vivons aujourd'hui imposent aussi de prendre des risques et au fond, si j'ose cette métaphore, de prendre la mer. Et prendre la mer dans une embarcation plus frêle mais avec un cap, ajoute Emmanuel Macron, qui veut se consacrer à son mouvement politique En Marche. Une candidature à la présidentielle n'est pas impossible. Michel Sapin, pilier du gouvernement qui va donc désormais diriger un ministère élargi, lui souhaite bon vent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'on continuera à entendre parler de toi. Je souhaite, j'ai une conviction profonde, que ce sera pour l'intérêt général et, sans vouloir forcer le trait ni tes convictions, dans l'intérêt du progrès, des progressistes, et comme de ce point de vue-là, moi, je suis culture un peu primaire, de la gauche. Michel Sapin et Emmanuel Macron, passation de pouvoir ce matin au ministère de l'économie. Des interviews réalisées par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron soit candidat à la présidentielle? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr. Et puis vous pourrez en discuter dans RTL Midi avec Christelle Rebière et Vincent Parisot en appelant le 3210. Les habitants de Saint-Patrice-de-Claix dans la Manche sont en colère. La stèle en mémoire du lieutenant américain Forgy, qui avait débarqué à la tête d'un régiment sur la plage d'Utabitch en 1944, a été vandalisée. Les couronnes, drapeaux, fleurs et plaques commémoratives ont été volées. Le maire de la commune scandalisé a porté plainte, nous indique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. À la veille du match amical de foot entre la France et l'Italie, les Bleus ont pris l'avion ce matin pour Bari. Mais sans le milieu de terrain, Moussa Sissoko, il a été autorisé à quitter ses coéquipiers pour aller finaliser son transfert. C'est le dernier jour du mercato. Sissoko, 27 ans, veut quitter son club de Newcastle en Angleterre. L'international français intéresse plusieurs équipes, dont l'Inter Milan. Le célèbre photographe français Marc Ribou est mort à 93 ans. L'un de ses clichés les plus connus, La fille à la fleur en 1967, montre une militante américaine contre la guerre du Vietnam, une marguerite à la main qui fait face à des soldats en armes devant le Pentagone. Marc Ribou avait parcouru le monde, ses photos publiées dans les plus grands magazines. Il avait reçu de nombreux prix et notamment pour ses reportages en Asie. La météo du jour, elle est estivale avec un risque d'orage dans le sud-est. Côté température, on prévoit par exemple cet après-midi 21 degrés au Havre, 25 à Abbeville, 26 à La Rochelle, 27 à Lille, 28 à Paris et Nancy, 29 à Dijon comme à Angers, 30 à Limoges et 31 à Grenoble et à Nîmes. Les courses à Deauville, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet, il vous conseille de jouer le 17, le 3, l'As, le 4, le 6, le 11, le 13 et le 5, la dernière minute de Bernard, c'est le 13, sans peur. Il est 11h03, vous êtes sur RTL. À la bonne heure, voici Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie Guerrier. Et naturellement, eh bien, nous vous retrouvons à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure Marie. 11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Et voilà, nous sommes en direct en public sur RTL, à la bonne heure, avec notre invité, Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric Emmanuel. Bonjour. Je vais vous présenter un peu plus longuement dans un instant, mais je vous présente d'abord tous mes petits camarades. Eh bien, à la une, un nouveau venu parmi nous. Et oui, nous sommes ravis de l'accueillir. Il fait sa rentrée avec nous. C'est Stéphane Blakowski. Stéphane, tous les mercredis. Bonjour. Moi aussi, je suis ravi. Et flatté. Pensez, la première radio de France. J'avais cru qu'un jour, j'aurais le droit d'y rentrer. Quand je pense que je vous ai connu, vous n'aviez pas un cheveu blanc. Je faisais la queue pour aller aux grosses têtes. Et maintenant, voilà, je suis dans le studio, super. Et vous êtes entré, voilà. Et bien, tous les mercredis, vous viendrez nous dire quelle est la personnalité qu'on peut aimer et la personnalité qu'on doit détester dans la semaine. Voilà, comme ça, vous n'aurez plus de questions à vous poser. Voilà, on saura qui. Et puis, on saura de qui parler dans les dîners en ville. Avec nous également, Régis Maillot. Bonjour, Régis. Il est tout fier et tout ragaillardi aujourd'hui, puisque aujourd'hui Elie Semoun n'est pas là. Ah. Il va pouvoir récupérer sa case d'humour. Non, elle n'avait pas été enlevée. Ce sera juste après le journal de midi. Oui, alors effectivement, bon, demain c'est la rentrée des élèves.